Yeah, ADL, ADL. Aïe, DJ Tox 974 à la prod. Bah ouais. Or je mon 93, c'est le zoo, c'est le zoo, c'est ici. Underground VS, le son de la tête. ADL, ADL, et c'est d'elle, et c'est qui c'est VS. ADL, ADL, ouais mais c'est d'elle, ADL, mais c'est qui c'est VS. Elle veut dire j'ai pas ton âge, moi j'ai le flow qui déménage. Ta carrière est stoppée, excuse-moi j'emménage. Blablabla, parlez par-ci, blablabla, parlez par-là. Quoi que vous dites, vous papotez, ou dans mon dos, ou dans le dos de mes gars. Eh my gueule, tu voudrais le jam au sabéga. Mais reste calme Michael, ou je vais te cramer ta gueule. Eh ma belle qui m'appelle. J'ai pas le temps pour les plans cul, déjà j'ai de la peine quand je les tienne. Et tu voulais du flow, ce soir corps avec le cœur. Et tu voudrais que je descende au quai, mais jusqu'au boule de ta sœur. Fille sale, fille sale. Bah ouais mais c'est comme ça que l'on t'appelle. Et vu ta tête, t'es prête à te taper ma paye. Parle à mon boule, espèce de sale pute. On est trop dans l'attente, un trait de plus pour restreindre ma chute. Et ça chuchote parce qu'ils pensent que je suis zappé. Mais je suis AF, Altesse 12 IVS, le son de la tête. Petit peu test, c'est dead, on rattrape des têtes. On a ça dans l'ADN, ADL, ADL. Ils peuvent test, c'est dead, on rattrape des tests. S'ils testent, on les termine tous tellement déterminés. Ils peuvent test, c'est dead, on rattrape des tests. On a ça dans l'ADN, ADL, ADL. Ils peuvent test, c'est dead, on rattrape des tests. S'ils testent, on les termine tous tellement déterminés. J'ai l'impression de perdre mon temps, ça joue sur le mental. J'entends de la jatch depuis l'école élémentaire. C'est lamentable, ils ont plaqué le rêve d'amour mater. Devenu homme sans but, la société a de quoi s'en faire. C'est pas fameux avant de passer la frontière. Tu connais le cauchemar de la vie des minimisés. Ceux qui ont misé sur l'honnêteté traversent l'Atlantique en pirogue. Merde, que Dieu garde leur âme en paix. J'suis venu à la nage, j'ai vu le hip hop en otage. Sur un paillasson, des haillons en caleçon, cadenassés sans un son. Mais que c'est dur et que c'est dead. MC, reprends des forces, appelle tes potes. J'crois que t'as besoin d'aide. Déterminé, qu'est question de déterminer. Des révélations santé en sens sans pour l'éternité. Testé. C'est même pas la peine, derrière la traîne. C'est du VS, c'est des légendes dans l'arène. Qui peut test, c'est dead, on rattrape des têtes. On a ça dans l'ADN, ADL, ADL. Qui peut test, c'est dead, on rattrape des têtes. S'ils testent, on les termine tous tellement déterminés. Qui peut test, c'est dead, on rattrape des têtes. On a ça dans l'ADN, ADL, ADL. Qui peut test, c'est dead, on rattrape des têtes. S'ils testent, on les termine tous tellement déterminés. J'suis qu'un impertinent, mon sacré timinant. Trop encore pour rappeler timidement, j'ai la rime laser, l'art de son maniement. Ce qui fait de moi le super caïman. Tu veux mettre à la demande, t'es fonce des ouais complètement. Au début, frère, on est plein. Au fil du temps, on se divise avec ta team. Tu fais le mal à la solitude, te tétanise. Prends l'habitude, garder tes couilles. Ne les prête pas à ton copain. Boy, la mort sépare. Chaque relation aura une fin. En effet, ça fait les fous quand y'a le danger. Les fous s'affolent. Les fous s'affolent, ça fait du bruit. Et moi, du bruit, y'en a ras le bol. Foutaise, faut qu'on détale. La balle est dans mon camp. Et si je m'en sers, je prends 20 ans. Pas la cagoule qui fait le braqueur. C'est pas le gars qui fait le courage. Faut porter le poids de la douleur. Me soulever depuis jeune âge. Mon passé a trop dommage. Quand il me rattrape, ça me démange. Qui renforce mon personnage. Auteur de titres, il les dérange. Mais qui peut test, c'est dead. On rattrape des têtes. On a ça dans l'ADN, ADL, ADL. Qui peut test, c'est dead. On rattrape des têtes. S'ils testent, on les termine tous tellement déterminés. Qui peut test, c'est dead. On rattrape des têtes. On a ça dans l'ADN, ADL. ADL. Qui peut test, c'est dead, on rattrape des têtes. S'ils testent, on les termine tous tellement déterminés. Qui peut test, c'est dead, on rattrape des têtes. On a ça dans l'ADN, ADL, ADL. Qui peut test, c'est dead, on rattrape des têtes. S'ils testent, on les termine tous tellement déterminés. Qui peut test, c'est dead, on rattrape des têtes. On a ça dans l'ADN, ADL, ADL. Qui peut test, c'est dead, on rattrape des têtes. S'ils testent, on les termine tous tellement déterminés. C'est dead. Yeah, ADL, DJ Tox à la prod. ADL, ADL, y'a Doussaï, VS, le son de la tête. ADL, ADL, y'a Altesse, hein. Ouais, 93 hors je monte. ADL, ADL, bah ouais. Et c'est dead, testé, tu peux pas. Mais qui peut test, c'est dead, on rattrape des têtes. On a ça dans l'ADN, ADL, ADL. Qui peut test, c'est dead, on rattrape des têtes. S'ils testent, on les termine tous tellement déterminés. Qui peut test, c'est dead, on rattrape des têtes. On a ça dans l'ADN, ADL, ADL. Qui peut test, c'est dead, on rattrape des têtes. S'ils testent, on les termine tous tellement déterminés.